pas de bactéries, pas de toxines, on peut y aller. Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h sur 89.4. Deux heures de son pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Merci pour votre fidélité au 89.4 Virgin Radio One Pop Rock. Bienvenue dans votre rendez-vous dominical, comme tous les dimanches. Sébastien Manette, 18h, 20h, 2h de son, pas comme les autres. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le retour du froid sur la région rouennaise. Et je vais vous dire, ça fait plaisir de venir à la radio autour des 17h30 et de voir ce manteau blanc couvrir à nouveau la côte rouennaise. Il y en a qui diront « Ah non, la neige, on en a eu assez », mais moi j'aime bien, je trouve que c'est toujours féerique. Voilà, allez, on est parti pour deux heures de son, pas comme les autres. Parlant de féerique, petite instrumentale pour commencer ce programme. Première nouveauté pour ce soir, en ce dimanche 7 mars, avec un duo allemand et un album qui s'adresse à tous les fans de post-rock. Le groupe s'appelle Collapse Under the Empire, Far to the Past. C'est le titre qu'on vient de s'écouter, l'album lui s'appelle Find a Place to Safe. Il est dispo depuis quelques semaines sur le label Sister Jack. En fait, c'est le deuxième single, extrait de cet album. Et aux dernières nouvelles, le groupe allemand qui devrait rentrer en en studio. En tout cas, ils sont en train de peaufiner leurs chansons pour le prochain album qui, d'après leur site internet, devrait sortir cet été. Voilà, Label Rock ensemble jusqu'à 20h. Sébastien aux manettes, une autre nouveauté tout de suite française cette fois-ci, avec un duo qu'on vous a fait découvrir en janvier dernier. Il s'appelle Acid Washed. dimanche, 18h-20h, Label Rock, avec Sébastien Gass. Norvégien de Jaga, jazziste à l'honneur dans ce programme Label Rock jusqu'à 20h. Il est 18h15, autrement dit, il nous reste encore 1h45 de très bons sons. On a commencé ce programme par un petit morceau, je vous disais qu'il allait ravir tous les fans de post-rock. Petite anecdote concernant cet album de Jaga Jazziste, puisqu'il a été mixé à Chicago par John McIntyre du groupe Tortoise, qui est quand même une référence dans cette scène post-rock. L'album lui s'appelle One Arm Bandit, il est disponible chez Ninja Tune depuis quelques temps maintenant et toujours aussi chaudement recommandé. Et puis juste avant, une nouveauté française, un duo qu'on vous a fait découvrir en janvier dernier. Il s'appelle Acid Wash, premier album qui va sortir fin mars sur le label du groupe R qui s'appelle Record Makers. Quelques anecdotes concernant cet album enregistré dans une vieille maison en Bretagne qui rend hommage à la musique électronique. avec beaucoup d'influence, notamment la scène house de Chicago sur ce titre que je vous ai joué, The Rain, Acid Wash, mais aussi hommage à la scène techno de Détroit, mais aussi des compositeurs comme Giorgio Moroder, Steve Reich, ou bien encore Kraftwerk. Donc l'album s'appelle Acid Wash, le groupe s'appelle Acid Wash, c'est chez Record Makers, sortie prévue le 29 mars 2010, avec en prime un concert le 26, soit 3 jours avant, à Lyon, aux Échos Sonores, dans le cadre donc des soirées Échos Sonores à la plateforme à Lyon. On va calmer un petit peu le jeu et repartir du côté de l'acoustique dans ce programme avec un extrait d'une compilation qui est sortie sur le label Monster Cassette. La compilation s'appelle Music for Toys 2 et elle a la particularité d'être dédiée aux jouets pour enfants avec dessus 18 titres. Premier extrait de cette compilation d'un artiste parisien, il me semble, qui s'appelle Eleanor L. Volt. Projet parisien intimiste, évolutif et essentiellement acoustique, influencé par la folk, et la pop des années 60 et 70, mais aussi par le blues africain, le rock minimaliste, les musiques pour enfants donc, les rythmes répétitifs et les constructions électroniques, les harmonies vocales West Coast et le psychédélisme anglais. Tout ça, et oui, c'est marqué sur le communiqué de presse. Le groupe qui a publié un album autoproduit intitulé Instrumental Music, qui regroupe 16 titres composés pour le théâtre. Un extrait, ça s'appelle Pet. Time to be afraid. I have a shovel and a man. say to you. I don't know what to say. Ne pas interrompre l'artiste vulgairement comme je viens de le faire. Voilà, jolie ritournelle Pet signée par des Parisiens, Eleanor Elvolt. Je vous rappelle que c'est sur un label qui s'appelle Monster Cassette. Une compilation qui s'appelle Music for Toys 2. On reste en France, on part du côté de Marseille. Francescoli de Marseille, In My Bed. Beaucoup d'émotions sur ce maxi hein, qui s'appelle It's Happening Again, avec toujours une excellente balance entre l'acoustique Et l'électronique, c'est mélodique, c'est souvent assez mélancolique, mais toujours très beau et très réussi. Donc c'est un EP, hein, c'est un maxi en fait, qui annonce justement l'album qui va arriver dans quelques semaines, on l'espère. Puisque ça tourne, il y a pas mal de très bonnes choses hein, sur ce maxi, notamment des remixes signés Nasser, signés Matt Elliott et The Performers, voilà. C'est une très belle découverte, Kid Francescoli, découverte pour moi, hein, puisqu'ils ont déjà un album à leur actif. Et le deuxième donc, qui arrive bientôt sur le label Microphone. Autre découverte du week-end sur le label américain Anticon, un projet américain intitulé Tobacco, l'album s'appelle Fucked Up Friends, le groupe donc Tobacco. Excellent mélange d'électro et de hip-hop avec dessus des mélodies imparables et de gros accents pop. C'est très frais et encore une fois chaudement recommandé. La preuve en musique, ça s'appelle Airy Candy. un des albums du mois Nedry, ce trio londonien qui est en train de secouer la planète trip-hop. On pense à du Björk, hein, notamment sur ce morceau, mais aussi sur celui qu'on vous a joué la semaine dernière. Mais on pense aussi tout au long de ce mini-album, hein, il y a 8 titres en tout, à des groupes cultes, hein, comme Portishead, Massive Attack ou alors Archive, mais en plus moderne, on va dire, plus 2010, plus bizarre, plus varié, avec comme sur morceau des éléments de dubstep, hein, mais aussi de l'électro-folk, de l'électronica. En tout cas, ce trio londonien donc qui se compose d'une japonaise et de deux anglais a sorti ce mini-album 8 titres, hein, sur le label Monotreme Records. Et franchement, c'est une très belle surprise. Condor, ça s'appelle, c'est disponible depuis le 22 février en Angleterre. Et bien évidemment sur l'internet, puisque on parle d'internet, sachez que je suis en direct, hein, ce soir. Donc Virgin Radio One @orange.fr, virginradio1@orange.fr pour me faire part de vos commentaires et de vos suggestions peut-être. Et puis à partir de demain, comme d'habitude, http://www.virginradio1.fr, vous retrouverez évidemment l'intégralité de cette playlist ainsi que l'opportunité de télécharger cette émission pour faire du bien et réchauffer vos petits téléphones portables et vos iPhones. Voilà. Pas eu les enfants depuis un petit moment, donc on va faire une petite dédicace à mon petit JJ que je vais revoir mardi, puisque le prochain morceau sur la playlist de Label Rock, eh ben c'est une découverte sur le label suédois qui s'appelle Sincerely Yours, et justement une jeune artiste qui se fait appeler JJ. Alors JJ en anglais c'est Gigi, hein, voilà. Et qui propose donc sur ce premier album une très belle pop électronique, 9 titres, hein, seulement. On est un petit peu sur sa fin, hein, ça dure moins de 30 minutes en tout cas, de belles chansons pop avec des rythmes exotiques, des voix éthérées comme on aime, des guitares aériennes et de belles nappes de clavier. La preuve tout de suite, ça s'appelle From Africa to Malaga. JJ. Think you get it. écoutez le son de Label Rock comme tous les dimanches de 18h à 20h. Le son par exemple de JJ From Africa to Malaga, découvert donc sur le label suédois qui s'appelle Sincerely Yours. Elle est suédoise, hein, toute jeune JJ. Et puis à l'instant, un duo américain composé d'un couple à la vie, hein, comme à la ville. Danny et Tiffany Preston, ils se font appeler Rainbow Arabia. Ils offrent une musique difficilement classable, on va dire, hein, puisque ça navigue sans cesse entre des rythmes saccadés avec pas mal de relents de musique du monde, le tout mélangé à la sauce punk. Si vous avez aimé ce son de Rainbow Arabia, sachez qu'il existe quelques maxi sortis chez Manimal Vinyl, un distributeur américain. Et la bonne nouvelle, c'est que premier véritable album qui devrait ressortir à la rentrée 2010, septembre ou octobre apparemment, pour Rainbow Arabia. On va rester dans les thèmes Arabia. Après Rainbow Arabia, voici un groupe néo-zélandais, nouveauté, ça s'appelle Lawrence Arabia. Bed, nouveauté néo-zélandaise dans ce programme. Derrière le pseudo Lawrence Arabia se cache en réalité un drôle d'énergumène, hein, en la personne du néo-zélandais James Milne. Nouvel album qui s'appelle Chant Darling, c'est disponible sur le label Bella Union. Deuxième album, hein, pour ce néo-zélandais. Et c'est une vraie bouffée d'air pur pour tous les amoureux de pop, avec dessus des chansons immédiatement accrocheuses, rigolotes, pardon, et pas prises de tête du tout, c'est de la belle pop, hein, comme on aime dans ce programme. Un CV du musicien, hein, James Mile, déjà bien fourni puisqu'il a déjà enregistré, entre autres, avec son groupe The Reduction Agents. Il a collaboré avec The Robinsons, un autre groupe néo-zélandais qu'on aime bien dans ce programme, ainsi que les Brunettes. Retenez bien son nom, donc Lawrence Arabia, ça s'appelle Chant Darling, deuxième album sur le label Bella Union. clothes I wear. But they don't realize they're the ones who's wearing it. And that's why, Lord, you can't hold me down. I don't wanna be cut down. I gotta move on. But they don't realize that it's so easy to break, baby. Yeah, but sometimes I can't feel my heart kind of getting hard. That's when I got to move. Free, un titre signé Jimi Hendrix tiré de son prochain album. Ça fait bizarre de dire ça, un prochain album pour Jimi Hendrix, mais pourtant c'est vrai. Album posthume donc qui va sortir, il me semble, la semaine prochaine. Stone Free, Jimi Hendrix. Et puis pour commencer, une nouveauté qui sortira le 15 mars prochain sur le label Wood Recordings, signé par un New-Yorkais du nom de Luther Russell. C'est pas un débutant, hein, puisqu'il a déjà sorti 4 albums et qu'il vient d'ailleurs de produire l'album du groupe The Relationship, qui comprend dans ses rangs Brian Bell du groupe Weezer. Voilà, Luther Russell, maxi 6 titres intitulé Motorbike EP. 6 titres qu'on retrouvera d'ailleurs sur son prochain album qui s'appelle The Invisible Audience. Je vous rappelle encore une fois l'email virginradio1@orange.fr, comme Chloé d'ailleurs qui vient nous envoyer un petit email en nous disant: est-ce que vous allez parler de la prochaine soirée des Grands Marais? Ça risque d'être énorme. Et bah oui, on y revient juste après la pub. Voilà, bougez pas, restez sur le 89.4, la Belle Rock, ça continue jusqu'à 20h. Tous les dimanches, 18h-20h, La Belle Rock, avec Sébastien Gasse. 18h-20h, et oui, tous les dimanches, La Belle Rock, ce qui veut nous dire qu'il nous reste encore 57 minutes de très bons sons. Vous l'avez peut-être écouté pendant le décrochage publicitaire, prochaine soirée donc des Mardis du Grand Marais, ce mardi 9 mars, avec une très belle affiche de groupes Enrelax et General Electrics. Enrelax quasi local, on va dire, hein, puisqu'ils partagent leur temps entre Lyon et Roanne. Ils seront 5 sur scène: Marine Pellegrini au chant, Pierre Vadon violon, clavier, machine. Lucas Garnier, trompette, machine. Mathieu Play, DJ Scratch, sample, clavier. Et enfin, Nicolas Tête à la batterie. Au programme pour vous ce mardi du côté de Riorges, mélodie pop, sonorité jazz, slam, soul et rythme appuyé. Au final, des compositions relevées. Ça surprend, ça pique, ça enivre et ça caresse, ça envoie et ça retient. Peut-être même que ça détend. J'adore franchement les communiqués de presse, ça me fait toujours délirer de lire tout ça, voilà. En tout cas, réponse sur scène ce mardi à Riorges, sachez qu'ils existent, il existe un album enregistré et mixé à Lyon, hein. Ça date de quand ça? Juillet 2008, voilà. Mixé par Christian Hiro, voilà, vous saurez tout. And Relax, tout de suite donc dans la Belle Rock, et ce mardi du côté de Riorges, ça s'appelle Balançoire. Un petit peu de français dans ce programme, tiens. Tu cours dans le noir, trébuches sur des accessoires. Tu penses que c'est un hasard. Ton front se plisse, le doute se glisse. Comme une balançoire, tu changes de sens sans savoir distinguer le blanc du noir. Tu perds ta piste, ça te rend triste. Me méli-mélo de mes élans, mais parfois mille ans, mais c'est l'hymne et je m'y. un titre des N-Relax que vous aurez sûrement l'occasion d'apprécier en live ce mardi 9 mars du côté des Mardis du Grand Marais à Riorges. Marine, Pierre, Lucas, Mathieu et Nicolas qui, sans aucun doute, vont vous enchanter et proposer une excellente première partie, surtout que derrière, il y a du lourd. je vous l'avais dit, c'est du lourd. General Electric sont tête d'affiche au mardi du Grand Marais à Riorges ce mardi 9 mars. Première partie, And Relax et donc General Electric. On aura l'occasion d'ailleurs de revenir, hein, notamment avec des sessions live dimanche prochain, mais aussi une interview d'Hervé Salters, hein, l'homme derrière General Electric. Puisqu'une interview est calée avec la radio, donc mardi après-midi, une fois les balances faites. Voilà. Un petit historique de General Electric, projet donc d'Hervé Salters, un Français parti aux États-Unis à la fin des années 90. Après tout de même une période française marquée notamment par le groupe Vert Coquin, où il était avec Seb Martel et Thierry Stremler. Il a participé aussi au projet de Femi Kuti, M ou alors DJ Mehdi. Il part donc aux États-Unis, c'était en 99 il me semble, où d'entrée de jeu il rencontre le collectif hip-hop Kanoum, hein, le label de DJ Shadow. Premier album en 2005 et donc deuxième album sorti l'an dernier, un album qui s'appelle Good City for Dreamers, Electro Soul, hein, pour tous les goûts, puisque ça va de la balade pop au funk en passant par des ambiances cinématiques et même du garage rock. Et apparemment sur scène ça déménage, hein, prestation ultra énergique avec pas mal de claviers, puisque Hervé est fou de claviers vintage. Il y a aussi de la guitare, du vibraphone, batterie, enfin bref, ça devrait être un très très grand moment du côté de Riorges. Donc ce mardi, prenez note, General Electric et N Relax, et tout ça en prélude du festival d'animation qui se déroule à Rouen. Voilà, très bonne soirée en perspective donc ce mardi. Vous avez peut-être regardé les victoires de la musique, hein, hier soir, et comme chaque année, la plupart d'entre vous se sont ennuyés, n'ayons pas peur de le dire. Beaucoup de récompenses, Olivier Ruiz et Benjamin Biolay. Bah, c'est bien, voilà. Moi je préfère ça, tiens. Premier album solo du chanteur du groupe La Phase, il s'appelle Damny, et je trouve que ça sonne mieux que du Biolay. Voilà, ouais, c'est mon petit coup de gueule de ce soir. Voilà. L'album disponible sur le label Couvre-feu, distribué par Because Music, tout simplement envoûtant cet album avec une couleur rock sensuelle et sombre. 10 titres dessus avec du piano, des cordes, des touches d'électro et des textes qui parlent de relations compliquées. Bref, vous l'aurez compris, c'est un album très intense, très sexy à écouter et réécouter tranquillement. Un extrait tout de suite, ça s'appelle J-4. Retenez son nom, il s'appelle Damny et il ne sera pas Victoire de la Musique l'an prochain. Dommage. Lorsqu'il sera moins 4, extrait du premier album solo du chanteur du groupe La Phase Damny, l'album disponible sur le label Couvre-feu, distribué par Because Music. Double bonne nouvelle maintenant dans la Belle Rock qui nous vient de Belgique, puisque c'est le retour du grand Arnaud, 14e album studio, dans les bacs dès le 29 mars chez Naïve. Et la bonne nouvelle en concert au festival Europavox le 23 mai à Clermont-Ferrand. Arnaud. Elle a tout perdu, mais elle a bien vécu. Obligée d'être gentille quand on est pauvre et petit. Elle est trop jeune pour crever, elle est trop vieille pour voler. Mais elle se sent vide comme un condom de vieux pépé. Quelqu'un a touché ma femme. Quelqu'un a touché ma femme. Tomber amoureux, c'est comme un mal de tête. Ça vient et ça passe, c'est ça qu'elle m'a dit. Il faut soigner les pauvres et les maujoussis. C'est ça qu'elle m'a dit. Une fois dans un lit, quelqu'un a touché ma femme. Des plus grands artistes belges de tous les temps, Arnaud, nouvel album donc qui va sortir le 29 mars chez Naïve, intégralement composé et produit par Arnaud, le disque qui comporte bien évidemment des textes toujours aussi surréalistes, on va dire, comme cet extrait, quelqu'un a touché à ma femme, beaucoup de rock dessus, mais aussi une étonnante reprise de Bob Marley, sachant c'est Get Up Stand Up, voilà. Je suis en train de regarder le track listing de ce CD, donc je vous le disais, Arnaud de retour le 29 mars chez Naïve, et je vous disais la bonne nouvelle, c'est qu'il sera le 29 mai du côté de Clermont-Ferrand au festival Europavox. Et après tout ça, je pense qu'on va remettre un petit peu de rock dans tout ça, redonner un petit coup de nerf à cette émission. Si vous êtes à table, vous allez voir, ça va bien se passer, c'est très très bon pour la digestion. I'm Ah, ça fait du bien, les 4 Californiens de The Willows, les plus avertis d'entre vous, les avez vus et applaudis lors de l'inauguration du Phil à Saint-Etienne. C'était il y a 2 ans, de retour donc les 4 Californiens de The Willows avec un nouvel album, hein, ce groupe de garage rock formé en 2002. Originaire de la Californie, avec une musique toujours aussi influencée par le punk, la soul, le blues des années 60, 70 et 80. Quatrième album déjà, le groupe The Willows, l'album s'appelle Everyone. Il faudra attendre le 24 mars, hein, par contre, ça sera du côté de chez Green United Music pour se procurer cet album. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une tournée est prévue dans toute la France au printemps. Tâche et qui fait mouche comme ça, c'est normal puisque vous écoutez Label Rock, et dans Label Rock il y a rock évidemment, et Eddie Curran Suppression Ring, et bah chez moi ça rock. Voilà, nouveau single pour ces 4 Australiens, ça sort le 29 mars prochain chez les Anglais de Melodic. Nouvel album, lui le 3ème album, hein, qui sortira fin mai. Quelle heure est-il? 19h29 et 45 secondes, c'est pile poil l'heure de l'apéro, je sais pas vous, mais moi je me ferais bien une double dose de John Spencer. J'adore. tous les dimanches, 18h-20h, La Belle Rock, avec Sébastien Agace. John Spencer, je vous le disais, tout pour commencer, hein, un extrait du dernier album des Heavy Trash, donc le groupe de John Spencer, évidemment, qu'il a monté avec Matt Vertare, entre autres bassiste à l'époque du groupe Mother Rose ou alors Speedball Baby. Dernier album donc qui s'appelle Midnight Soul Serenade, disponible chez Bronzerat. Et pourquoi double dose de John Spencer? Tout simplement parce qu'il sera à l'honneur très prochainement du côté de la coopérative de mai à Clermont-Ferrand. C'est toujours un privilège de voir monsieur Spencer en live. Je l'ai vu deux fois dans ma carrière d'aller dans des concerts et franchement ça déménage à chaque fois. Donc Heavy Trash en concert à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand le 22 mars et John Spencer qu'on retrouve d'ailleurs dans un autre projet, autre disque qui s'appelle Solex versus Christina and John Spencer Too Much Too Fast, c'est l'extrait que je viens de vous jouer, excellent disque de rock'n'roll. Donc l'association de ces trois artistes, l'album s'appelle Amsterdam Showdown King Street Throwdown, sortie prévue le 15 mars prochain, toujours du côté du label Bronzerat. Et je vous le rappelle donc, John Spencer avec les Heavy Trash le 22 mars prochain à la coopérative de mai. Thanks for cool club. Sit back and enjoy. Énorme groove signé Beck sur le nouvel album qui arrive, qui est un hommage à un immense artiste américain qui s'appelait Skip Spence, chanteur, compositeur d'un groupe qui a fait les heures de gloire de la musique psychédélique, notamment en 1969. Il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Moby Grape. Tout un album de Beck dédié à revisiter le répertoire, et notamment un album culte, hein, paru en 1969. Dessus, sur cet album de Beck, de très bons invités comme Feist et puis comme Jamie Liddell, hein, qu'on vient d'écouter. Dans cette reprise donc, Cripple Creek, énorme groove de Jamie Liddell tout au long de l'album, la révélation sur cet album, bien plus que Beck, hein, d'ailleurs. En tout cas, belle prestation aussi de Feist, on y reviendra la semaine prochaine sur cet album de Beck, puisque maintenant, à 19h40, c'est l'heure de faire une petite pause de voix féminine, comme on aime dans ce programme, avec pour commencer Basia Bulat. All the summer, all the love, skies they opened wide for us. Oh, what a heavy rain it was that covered all of you. The wind has changed my boy. I never knew a voice like yours, but I know just what good it was that lie you hold on to. But all those shadows coming after you. Go on, go on, I couldn't let it lose. Go on, go on, I couldn't stand to. Les plus chanceux d'entre vous l'ont découvert, cette chanteuse canadienne Basia Bulat. C'était en 2005 avec un premier maxi autoproduit, et puis il y avait eu son premier album, hein, Oh Darling, qu'on vous avait joué dans ce programme en 2007. Et voici que, quasi 3 ans après, à l'âge de 26 ans, la chanteuse canadienne, donc Basia Bulat, de retour avec un deuxième album intitulé Art of My Own. Sa sœur chez Rough Trade avec bon programme, une folk rythmée qui emprunte comme ça aux musiques traditionnelles avec une voix toujours aussi puissante et envoûtante. Autre nouveauté chez Beggars Banquet, toujours féminin, avec la très mignonne Holly Miranda, l'ex-membre des Jealous Girlfriend, qui sort son premier album qui s'appelle The Magician's Private Library. C'est disponible depuis la semaine dernière sur le label XL, distribué en France par Beggars Banquet. A noter que le disque a été produit par Dave Sitek des TV on the Radio et que musicalement parlant, on la rapprochera d'artistes tels que My Brightest Diamond ou alors Saint-Vincent. Un extrait tout de suite dans ce programme, ça s'appelle Slow Burn Treason. Holly Miranda. Thank you. L'atmosphère envoûtante de Holly Miranda, Slow Burn Treason, nouveauté chez Beggars Banquet hein, sur le label XL pour l'ex-membre des Jealous Girlfriend. L'album s'appelle The Magician Private Library. Il est sorti le 23 février, donc allez vous procurer cet excellent album produit par Dave Sitek. On va terminer cette émission tranquillement. Avec du son, une petite merveille, hein, signé Franz Kiermann. Alors on dirait un nom allemand, mais en fait il est français. Il s'appelle François Gamory. Et il se fait donc appeler Franz Kiermann sur cet excellent maxi qui s'appelle Little Baby Eyes, nouveauté sur le label londonien, qui s'appelle Lob Records. Bah si, avec ça, c'est pas l'Europe. Little Baby Eyes, petite perle d'électronica, comme ça pour terminer ce programme en ce dimanche 7 mars. Lob Records, donc, pour trouver ce maxi franchement terrible. L'artiste, c'est Franz Kierman, mais en fait, c'est donc François Gamory, hein, qui s'occupe d'ailleurs de ce label avec deux autres potes, hein, Roscoe Williamson alias Arrows et Matt Watts alias Depunked. Voilà. Le label, donc, londonien Lob Records et Franz Kierman, Little Baby Eyes. Quelle heure est-il ? 56. Il me reste encore un disque de 4 minutes. C'est bien. Ça va nous emmener tout ça jusqu'à 20h où vous retrouvez évidemment une émission spéciale scène française jusqu'à 22h. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec une interview donc de General Electrics, du live Henry Lax, General Electrics, bref tout ça. Soyez présents sur le 89.4 Label Rock, 18h-20h. Je vous laisse en très bonne compagnie, juste pour vous signaler que les infos avec Pascal Jacquet à partir de 7h30 demain, 4 flashs d'infos chaque demi-heure, ceci jusqu'à 9h. On se quitte avec encore du calme, hein. Tiens, on va rester, on va terminer comme ça avec un extrait du premier album solo pour Andy Nice, le violoncelliste du groupe que j'adore qui s'appelle les Tindersticks. Entièrement acoustique, hein, cet album, ça s'appelle The Secrets of Me et c'est vraiment un pur régal. Merci d'avoir été présent, merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine. Donc Andy Nice, Somebody Take Me Home, et moi il ne me reste plus qu'à vous dire, soyez sages, mais pas trop. Ciao. I try to reach you, I try to keep Goodbye. Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h. 2 heures de son pas comme les autres.